السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du 19 شوال 1428، c'est-à-dire le 31 octobre بإذن عز وجل 2007. نعم. Nous voilà avec notre livre العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب، بشرف الشيخ العلامة رحمه الله سماحة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. طيب، nous nous sommes arrêtés lorsqu'on parlait de الاستواء. On parlait de الاستواء، استواء الله سبحانه عز وجل على عرشه. Et là, on va faire juste une révision qu'on commence, Allah Ta'ala, le nouveau dars. طيب، premièrement, en ce qui concerne الاستواء، ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est est-ce un attribut de l'acte ou bien est-ce un attribut de l'entité. La plupart des ulama disent istiwa, c'est un attribut. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la volonté. Allah Ta'ala veut et il s'établit. Il ne veut pas, il ne s'établit pas. En ce sens, c'est un attribut de quoi? De l'acte. Mais d'autres, ça c'est ce que disent la plupart. Mais d'autres ont dit, c'est en même temps un attribut de l'acte et de l'entité. Parce que, au début, c'était un attribut de l'acte, parce que Allah Ta'ala ne s'était pas encore établi. Ensuite, il s'est établi. Il a créé d'abord le monde, ensuite les cieux et les terres, il s'est établi. Et après s'être établi, le Seigneur Azza wa Jal est toujours établi. En ce sens, c'est devenu un attribut de l'entité. Comme ça a dit Cheikh Salah Hafidahullah. Naam, Salah al-Cheikh Hafidahullah. Tayyib. Ensuite, nous avons fait aussi la différence entre Al-Arsh, qui est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Kursi. Et Al-Kursi, qui est le repose-pied. On a bien montré que Al-Arsh, ce n'est pas le Kursi. C'est pour ça, c'est très décevant de lire dans certains exégètes, dans certains tafsirs, en français, bien sûr, pas en arabe, que l'arche c'est le coursier. Non, c'est très décevant que même certaines personnes y font cette traduction comme ça fausse. Non. Et le plus grand dalil que l'arche c'est pas le coursier, c'est le hadith qui est très connu, qui montre la différence entre l'arche et le coursier. Donc le coursier c'est quoi? C'est le repose-pied. Non? C'est le pied d'Estal aussi. On l'a dit plusieurs fois. Et l'arche, c'est quoi? C'est le trône. Et Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et non pas au-dessus du repose-pied. Ça y est. Le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est quand Cheikh Rahimahullah a dit... Attendez une seconde, je vais voir ce qu'on est. Naam. Itbatu ulouhi Allahi ala makhlouqatih. Le titre c'est quoi? C'est on va affirmer et prouver que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur ses créatures. Naam, il est élevé, il est le plus haut, il est élevé sur ses créatures. Dhakara al-mu'allif rahimahullah fi ithbati 'uluwi Allah 'ala khalqihi 6 ayat. Il a dit que le mu'allif c'est Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, a cité 6 versets qui prouvent, bien sûr, Il y en a plusieurs, mais il s'est suffi à 6 versets qui prouvent. J'ai dit que Cheikh Islam a cité 6 versets qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Le premier verset. قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Voilà le premier verset des 6 qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des créateurs. Naam. Ce n'est pas comme disent les soufis et les égarés, etc. qu'il est partout. Tu lui dis, où est Allah? Tu dis, Allah est partout. Ah bon, il est partout. Il n'est pas au-dessus des cieux, il n'est pas au-dessus de son trône. Te disent non, il est partout. Si tu vas dire il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône, tu l'as mis dans une place. Tu as mis Allah dans une place. C'est comme ça qu'ils disent les masakin. Bien sûr, on va voir, on l'a vu plusieurs fois, comment réfuter ces paroles yani, qui n'ont pas de sens. Naam. Donc le premier verset c'est quoi? Ya Isa, inni mutawaffika. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Je vais t'élever vers moi. Ça veut dire quoi? Tu es en bas. Car quand on élève du bas vers le haut. Quand j'élève quelque chose qui est en bas vers le haut. Donc Allah Ta'ala lui a dit, je vais t'élever vers moi. نعم الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أب من أم عفوا بلا أب ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم نعم إلى دي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ici en train de parler de s'adresser à Isa عليه السلام ها Jésus عليه السلام نعم il a dit Isa que Isa Jésus que الله تعالى a créé d'une mère sans un père. Allah Ta'ala crie d'une mère sans un père. C'est pour ça, Younseb ila ummi. C'est pour ça, on attache son nom à sa mère. On dit Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie. On ne dit pas fils de Omar ou de Mohammed ou là parce qu'il n'a pas de père. Naam. Vous remarquez que Allah Ta'ala peut créer une personne sans qu'elle ait de père. Comme il peut créer une personne sans qu'elle ait de mère. Comme il peut créer une personne de père et de mère. Comme il peut créer une personne sans père et sans mère. Naam. Et pour que vous compreniez cela, toutes les personnes, en général, ont été créées de père et de mère. Nous tous et vous toutes. Ça, vous tous et vous toutes. Ça y est. D'autres personnes n'ont été créées ni de père ni de mère, comme Adam alayhi salam n'a été créé ni de père ni de mère. D'autres personnes ont été créées de mère seulement, comme Isa, comme Jésus alayhi salam, de mère seulement. D'autres personnes ont été créées de père seulement, comme Hawa, comme Ève, qui n'a pas de mère, mais a seulement qui elle est sortie du père, de Adam, qui est notre père, et son père à elle aussi, alayhi salam. طيب maintenant il a dit lorsque Allah Ta'ala a dit inni mutawaffik inni mutawaffik, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il parle à Jésus, à Isa alayhi salam, il lui a dit inni mutawaffik. Qu'est-ce que ça veut dire ici exactement inni mutawaffik? Les ulama ont trois avis sur inni mutawaffik. Ils ont trois avis. طيب le premier avis mutawaffik ay qabiduk. Mutawfik, ça veut dire je vais te prendre. Abedok. Ils ont dit comme on dit Fulan tawfa haqqahu. X des gens a pris, par exemple, a pris son, disons, son droit. Naam. Il a eu son droit, il l'a pris. Allah Ta'ala a pris qui? A pris Isa alayhi salam. C'est le premier avis. Le deuxième avis, mutawfik, ça veut dire munimuk. Le deuxième avis, quand Allah Ta'ala a dit je vais mettre fin à ta vie ici, ça veut dire je vais te faire endormir. je vais te faire endormir. Quelle est la preuve que pour cet avis, quelle est la preuve que Allah Ta'ala a dit ici, je vais te faire endormir et non pas, je vais prendre ton âme pour de bon. Non pas tu vas mourir, mais je vais seulement t'endormir. Quelle est la preuve? Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Allah Ta'ala dit dans un autre verset, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et c'est ce que vous faites pendant le jour. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Ça veut dire, c'est pas on meurt, mais on s'endort, c'est tout. Car vous savez, la personne, dès qu'elle s'endort, son âme est sortie d'elle. Elle ne se commande plus et elle ne sait plus où va partir son âme. Où elle va vaguer, voguer, je ne sais pas, elle va partir, elle va traverser des pays, elle va monter dans les cieux, elle va aller dans les forêts, sous les mers, je ne sais pas où elle va aller. Non. Mais, grâce, il ne se commande plus, il ne commande plus cette âme. Non. Pourquoi? Il s'est endormi. Quand tu t'endors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait mourir une petite mort. C'est pour ça qu'ils disent le fait de dormir, c'est une petite mort. Non. Et beaucoup dorment et ne se réveillent plus. Et beaucoup dorment et ne se réveillent plus jamais jusqu'à s'ils se réveillent dans la tombe. Non. Donc, beaucoup, lorsqu'ils s'endorment, ils passent de la petite mort à la grande mort. Ils passent de la petite mort à la grande mort. Taïf, donc ce verset prouve que quoi? Prouve que Allah subhanahu wa ta'ala prend nos âmes. Donc, ils ont dit, Allah Ta'ala a pris seulement l'âme de Isa. C'est-à-dire, il l'a fait endormir, c'est tout. Et il l'a fait monter vers lui, vers le ciel. Le troisième avis dit, وَفَاتُ الْمَوْتِ أَيْ مُمِتُكُ. Le troisième avis dit, ici, quand Allah Ta'ala dit, je vais prendre ton âme, c'est-à-dire, je vais la prendre pour de bon. C'est-à-dire, tu vas mourir. Comme il prend l'âme de toutes les personnes, quand c'est le moment de mourir. C'est-à-dire que Isa alayhi salam est mort. C'est le troisième. طيب. Le Cheikh Rahmou va dire, والقول بأن متوفيك بمعنى مميتك بعيد. نعم. Le fait de dire, yani le troisième avis, de s'appuyer sur le troisième avis, est vraiment loin de la vérité. Car ça suppose quoi? Ça suppose que Isa alayhi salam est mort. Et alors, s'il est mort, bon, Cheikh ne l'a pas dit ici, mais je le dis. S'il est mort, comment qu'on va faire des hadiths qui disent qu'il va redescendre un jour? Donc, ça veut dire qu'il va ressusciter. Subhanallah al-Azim. Mort des centaines, des milliards d'années, si maintenant il va redescendre, c'est un peu étonnant. Ce n'est pas difficile pour Allah. Mais, ça ne s'est pas encore fait. Non, sauf pour quelques personnes sont mortes comme ça et se sont ressuscités pour quelques secondes. Comme il y a des hadiths en ce sens. Il a dit encore, voilà son délil, encore, ce qui prouve que Isa alayhi salam n'est pas mort, yani la mort naturelle, c'est-à-dire n'est pas mort pour de bon, c'est que Allah Ta'ala dit dans un autre verset, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Allah Ta'ala dit dans un autre verset, il n'y a personne des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort. Il n'y a personne des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort. Voyez. Donc Allah Ta'ala dit dans ce verset que tous les gens du livre, avant tous les gens du livre, vont croire en lui. Hein, chaque personne qui est des gens du livre, disons, chaque juif, et chaque chrétien, chaque juif et chaque chrétien, avant de mourir, il va croire en lui. Chaque juif et chaque chrétien va croire en lui avant de mourir. Mais, avant de mourir, qui? Avant que ne meure Isa, ou bien avant que ne meure la personne qui est du genre du livre? Non, c'est ça ce qui a laissé les oulamas diverger. Quel est le sens de « avant de mourir » ? Qui, avant de mourir, c'est-à-dire les gens du livre avant qu'ils meurent, vont croire en lui, ou bien ils vont croire en Jésus avant que Jésus ne meure ? Non. si on va dire que toute personne, les gens du livre, ne mourra pas jusqu'à ce qu'elle croit en lui, avant sa mort, elle, cette personne, et c'est ce qu'a dit Ibn Hajr al-Asqalani dans Futubel, il a dit, c'est l'avis le plus fort, il a dit, et Cheikh Ibn Uthaymeen ici dit, c'est l'avis faible, il a dit parce que c'est une preuve que il n'y a pas une personne qui soit juive ou chrétienne, il n'y a pas une personne qui ne soit pas obligée, c'est-à-dire tous les juifs et tous les chrétiens seront obligés, avant qu'ils ne meurent, de reconnaître que quoi ? Que Isa alayhi salam était un messager et non pas Allah. C'est-à-dire que Allah va leur donner ça comme un grand supplice. Déjà avant de mourir à la dernière seconde, tous ils vont reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. Naam. Et que Jésus n'était ni Dieu, ni son fils, ni le Saint-Esprit. C'était seulement un messager. Naam. Et d'autres ulama ont dit, non, avant de mourir, avant que Jésus ne meure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça restera jusqu'à ce qu'il descende. Jusqu'à ce qu'il descende dans je ne sais pas combien d'années. Et là, avant qu'il ne meure Jésus, alayhi salam, là, les gens vont, yani, les gens du livre, vont croire et vont yani, attester que vraiment c'est lui. C'est lui, yani, le vrai messager, et ce n'est pas Allah, et qu'il n'est pas Allah. Naam. Tayyib. Wa qawluhu wa rafi'uka ilayya. Donc ici, dans le verset, c'est quoi le délil que Allah Ta'ala est élevé, hein, c'est quoi le délit que Allah Ta'ala est du côté du haut, c'est quoi le délit, c'est lorsqu'il a dit Rafi'uka ilayya, Rafi'uka, je vais t'élever vers moi. Mais certains qui ont bien sûr de la souillure dans ce mot, qui ont de la souillure dans le cœur, ils vont dire que élever ici, ça ne veut pas dire obligatoirement vers le haut. Mais on dit d'une personne, cette personne est élevée chez moi, c'est-à-dire elle a une grande valeur. Elle est illustre chez moi. Je dis de cette personne, elle a un grand rang, elle a un grand statut chez moi. Je dis elle est élevée, mashallah. Ça ne veut pas dire élevée du bas vers le haut, comme ça disent bien sûr les muftadiyas. C'est normal, comme ça disent les muftadiyas. Mais, et bien sûr, et ils se sont basés aussi sur autre chose, sur un verset qui dit quoi? Allah Ta'ala, ce qu'il a dit dans le Coran, وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ils ont dit, lorsque Allah Ta'ala a parlé de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, illustre. Isa est illustre, ici-bas, comme dans l'au-delà. Voilà une preuve qu'il est en train de parler de son rang. Yani qu'il a un rang élevé, il a un statut élevé, mais ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala l'a élevé du bas vers le haut et l'a fait monter dans les cieux. C'est comme ça que disent les muftadi'as. Naam. Mais ceci n'est pas vrai, dit Cheikh Lahmou. Il dit ceci n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit dans le verset, Inni rafi'uka ilayya. Il a dit, je vais t'élever vers moi. Il n'a pas dit je t'ai élevé, je t'ai donné de la valeur, je t'ai donné un haut statut. Non, il a dit je vais t'élever vers moi, vers. Il a dit ce vers en arabe, ilayya. Ah, il a dit ça, ça change tout. Ça change tout. Donc les muqtadi'a ne peuvent pas nier et dire qu'il n'est pas monté vers le haut. Pourquoi ils veulent dire cela? Pour prouver que Allah Ta'ala n'est pas vers le haut. On ne dit pas d'Allah Ta'ala il est vers le haut, il est aussi au-dessus des cieux, il est au-dessus du trône. On ne dit pas ça. Les muqtadi'a disent, il ne faut pas dire cela. Pourquoi? Allah Ta'ala est partout. Comme ça ils disent. Naam. Maintenant il a dit, وَعَلَمْ أَنَّ عُلُوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَسِمْ لَقِسْمَيْنِ. Et sache que l'élevation d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. عُلُو ذَاتِ وَعُلُو مَعْنَوِي. Élevation de l'entité d'Allah, de l'essence d'Allah, ذَاتِ. Et عُلُو مَعْنَوِي. Et élevation d'autre chose, disons de la valeur. De la valeur. Naam. Il a dit, On commence par le premier. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عالي العلو المعنوي. En ce qui concerne la première élévation, نعم, qui n'est pas le but du dars, que Allah Ta'ala يعني, a de la surestime et qu'il a la grande valeur, il a dit tout le monde sait cela. Même les mubtadi'a, ils disent cela, ils reconnaissent, ils disent Allah, subhanallah, Allah c'est le plus puissant, c'est le transcendant, c'est l'azim, c'est le sublime. Ils disent, tout le monde reconnaît cela. نعم. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce dars, c'est l'autre élévation. C'est-à-dire que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le dars. Naam. Il a dit, ça, la deuxième élévation, ne la reconnaissent que Ahl Sunnah. Seul Ahl Sunnah reconnaissent cette élévation. Naam. Mais Ahl Bid'ah disent non. Disent l'élévation ici, c'est seulement, comme j'ai dit, l'estime et la valeur. C'est tout. Maintenant, il va dire, je vais vous donner les adillas que Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fi, que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, naam, et le plus haut, il est au-dessus des cieux, de par son entité. Naam. Ce n'est pas de par sa valeur, c'est tout, et son ilm, mais aussi de par son entité. Naam. Il a dit, je vais donner les adillas. Tayyib. Il a dit, en ce qui concerne cette chose, naam, les arguments qui sont tirés dans le Coran ont indiqué de plusieurs façons que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Naam. Des fois, ils expriment cette élévation, cette chose, en employant le mot élévation. Des fois dans le Coran, en employant le dessus. Des fois dans le Coran, en employant la descente des choses à partir de lui. Il cite qu'il y a des choses qui descendent du ciel. Des fois, il cite qu'il y a des choses qui montent vers lui. Subhanallah. Et des fois, en citant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Et des fois, au-dessus des cieux. Tayyib. On commence, inshallah ta'ala, par lorsqu'il cite l'élévation. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نعم وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et il est le très haut, le très grand. نعم. Pourquoi il a cité ici, il a dit, et il est le très haut. نعم. Il a dit le très haut, et toi tu dis, et enfin quand je dis toi, ça veut dire les autres, les Mubtadi'a, ils disent non. Il n'est pas haut, ça veut dire qu'il est au-dessus. Non, il est haut, ça veut dire que yani, il a beaucoup de ilm, il a ceci, il a la valeur, comme j'ai dit tout à l'heure. On dit non, ça c'est pas vrai. Wa huwa al-ali ou al-azim. Naam. C'est le plus haut, le très haut. Naam. Deuxièmement, en citant par exemple Naam. Deuxièmement, on passe inshallah ta'ala. Maintenant, Allah Ta'ala a cité le très haut, qu'il était très haut. Il a cité par élévation. Maintenant, il cite le dessus. Le dessus. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. En français, ça donne, c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, au-dessus de ses serviteurs. Des anges, ensuite il a parlé des anges, il a dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Non, qu'est-ce qu'il a dit? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Subhanallah. Et ils craignent leur Seigneur. Non, et ils craignent. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas entendu le premier mot au sujet du Très-Haut. Tayyib. Le premier mot au-dessus du Très-Haut, il a employé Naam, comme le verset wa huwa al-aliyyu al-azim. Al-aliyyu al-azim, il a dit, il est le très haut, le très grand. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Naam. Et comme sabbih isma rabbika al-a'la, il a dit l'a'la, le plus haut, glorifie glorifie ton Seigneur le plus haut. Il me demande si vous pouvez donner la référence des versets. Non, je peux donner la référence des versets, Inch'Allah Ta'ala. Ce verset, Wa al-Ali al-Azim, al-Baqara 255. Al-Baqara 255. Sabbih isma rabbika al-A'la, et glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Tout le monde connaît. Sourate al-A'la numéro 1. Verset numéro 1. Sourate al-A'la. Naam. Ensuite, quand il a employé l'au-dessus, il a dit Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Al-An'am, sourate al-An'am, verset 18. Sourate al-An'am, verset 18. Ensuite, en parlant des anges, il a dit Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Au-dessus, min fawq. Naam. Sourate al-Nahl, verset 50. Sourate al-Nahl, verset 50. Maintenant, il parle de, il va donner une troisième façon, une troisième sorte de prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Il a dit le fait que les choses descendent de lui. Le fait que des choses descendent de lui. Il a dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikr. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikr. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Naam. Al-Hijr, sourate Al-Hijr, verset numéro 9. C'est nous qui avons fait descendre. Pour faire descendre, il faut être en haut. Pour faire descendre vers le bas. Naam. Naam. Il a dit, Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Et nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Nous l'avons fait descendre. Donc, nous sommes en haut, naam, et vous êtes en bas, et il y a un livre qu'on a fait descendre du haut vers le bas, de nous vers vous. Naam, on n'est pas tous au même niveau. On est en haut, vous êtes en bas. Naam. Et des fois, en citant que les choses montent, vers lui. Comme il a dit, « Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-amalu salihu yarfa'u » Vers lui monte la bonne parole. Vers lui monte la bonne parole. Naam. Ou l'amal ou salih ou yaffa'u. Et il a dit aussi que les bonnes actions, il les fait monter. C'est surat Fatir. Fatir, verset numéro 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vers lui monte la bonne parole. Donc la bonne parole, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va à droite, à gauche ou est-ce qu'elle descend? Non, elle monte. Pourquoi elle monte? Elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle monte vers lui. Naam. Parce que lui, il est au-dessus des cieux. Ou l'amal ou salih, les bonnes actions. Que fait Allah Ta'ala des bonnes actions? Il les fait monter vers lui. Car il est en haut, il les fait monter vers lui. Naam. Et des fois, il dit dans le Coran, Ta'arujou l'malaikatu ruhu ilayh. Comme dans Surat al-Ma'arij, verset numéro 4, il a dit, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Naam. Cinquièmement, en employant quoi? En employant qu'il est dans les cieux. Comme il a dit par exemple, « A'amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard » Sourate al-Mulk, verset numéro 16. « Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel » Naam. Vous enfouissez sous la terre, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel. C'est qui est au ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous enfouissez sous la terre. Naam. Ici, il n'a pas cité aussi quelque chose de très très important. Très très très très important. D'ailleurs, je vais le noter comme ça. Je ne vais pas l'oublier la prochaine fois quand je fais aussi un dars, Inch'Allah ta'ala, peut-être pour d'autres élèves. Quelque chose de très important, vous savez ce que c'est? Non. Tout le monde sait, je vous rappelle, c'est tout. Tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois le mi'raj, a fait l'ascension. Non. Il est monté de la terre vers le ciel. Ça, Il est monté quand? Il est monté de Palestine. Non, il est monté de Palestine. Ça, tout le monde le sait. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Une seconde. Je disais que pourquoi maintenant, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté vers les cieux pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et lui parler, et il lui a ordonné de faire la salat. C'était la salat, il n'était pas obligatoire. Ou disons, il n'était obligatoire de faire que de prières le matin, de prières le soir. Maintenant, quand il est monté et il a dépassé les sept cieux, il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, l'arbre où on ne peut pas dépasser, et que lui a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire la salat. Depuis ce jour-là, les cinq prières sont devenues obligatoires. C'était 50, et alhamdoulilah, Allah ta'ala les a fait descendre jusqu'à ce qu'il soit seulement combien? Seulement 5. Mais la question, pourquoi est-il monté vers le haut? Si Allah Ta'ala, comme disent les Mubtadi'a, était partout, pourquoi alors il aurait fait tout ce voyage pour monter? Naam, toutes ces montées vers les cieux. Pourquoi? Si Allah Ta'ala n'était pas en haut. Ça, c'est l'un des plus grands délits. L'un des plus grands délits avec lequel on peut briser le dos des innovateurs. Naam, on va leur donner des versets et ils vont trouver toujours une interprétation au verset. Non, c'est pas comme ça, il a voulu dire ceci. Akhlas, khalas. Bon, les versets, khalas. Inch'Allah ta'ala, on va pas les citer. Dites-nous pourquoi il a fait l'ascension. A-t-il fait l'ascension ou pas? Il peut pas dire non, il peut pas nier. Tout le monde, c'est un petit enfant, c'est cela. Alors, pourquoi est-il monté? Pourquoi il n'est pas parti vers l'est ou vers l'ouest? Ou vers le nord? Pourquoi il n'a pas creusé dans la terre? Pourquoi il est monté au septième ciel? Naam. Donc je disais que ça c'est l'un des plus grands délits. L'un des plus grands délits. Ensuite, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que lorsque les gens s'étonnent, ils vont dire que les Américains, masha'Allah, sont arrivés sur la Lune. Ils ont marché sur la Lune. Masha'Allah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Américains ont mis pieds sur la lune, masha'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a-t-il pas précédés, hein, des milliers d'années, des centaines d'années avant cela, ne les a-t-il pas précédés? Et ensuite, eux, où est-ce qu'ils sont montés? Ils sont montés seulement sur la lune qui est là, au-dessus de notre tête. Est-ce que l'un des koufars, ou l'un des Américains, ou l'un des Russes, a traverser un des cieux, hein, un des sept cieux, il est rentré dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième? Jamais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, quatrième, entre chaque ciel, des millions de kilomètres. Il y a une très très très grande différence. C'est même incomparable. C'est incomparable ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ascension avec ceux qui sont montés sur la lune, ou là ceux qui vont monter sur Neptune, ou là qui vont monter sur Mars. Naam. Amma, alors que les délils de la sunna, naam, il y en a beaucoup. Comme lorsqu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama. En ce sens, il a dit, est-ce que vous ne me faites pas confiance alors que moi je suis le confiant, l'homme de confiance de celui qui est au ciel, de celui qui est au-dessus des cieux. Et celui qui est au-dessus des cieux, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, par les actes. On va prouver par les actes que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. C'est ce qu'il y a dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un très très grand prêche. Qui s'appelle Khutbat al-Wada'a. Un très très grand prêche qui s'appelle Khutbat al-Wada'a. Et il y avait des milliers de gens qui ont assisté à cette khutba. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette khutba qui a un rapport avec notre dars? Qu'est-ce qu'il faisait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette khutba? Hein? Il pointait son doigt vers le ciel. pointé son doigt, l'index, vers le ciel, et il disait, « Ala hal ballaght ?» Est-ce que je vous ai transmis ? Ils ont dit non. Ah, pardon, ils ont dit oui. Il a répété, « Ala hal ballaght ?» Vous ai-je transmis ? Ils ont dit oui. Troisième fois, oui. Et il disait, il levait le doigt vers le ciel, il disait, « Allahumma ashhad. Allahumma ashhad. » Yani, « Oh Allah, oh Seigneur, témoin. » Regardez comment qu'il a levé l'index vers le ciel et il a dit, « Oh Allah, témoigne. » Pourquoi il n'a pas pointé l'index en face de lui? Pourquoi il n'a pas pointé vers la droite, vers la gauche? Pourquoi il n'a pas pointé vers le bas? Pourquoi il le pointe spécialement vers le ciel et il dit, « Allahumma ashhad. » Oh Allah, témoigne. N'est-ce pas là un grand délit? Un grand délit de quoi? Que yani Allah subhanahu wa ta'ala est tout au-dessus des cieux. Naam. Ensuite, les délits aussi de la sunna, c'est le hadith que tout le monde connaît. Le hadith que tout le monde connaît, la bergère qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé la question, il lui a dit, où est Allah? Où est Allah? Pourquoi il lui a posé cette question? Car son maître l'a frappé. En islam, quand le maître frappe qui? Frappe l'esclave, alors là il est obligé de le libérer. Maintenant, il est allé, celui qui l'a frappé est allé au prophète alayhi salam lui raconter. Maintenant, le prophète alayhi salam veut savoir si cette femme, cette bergère, si elle est une croyante ou pas. Comment savoir qu'elle est croyante ou pas? On va faire comme les tekfiriens, on va lui dire, est-ce que tu nies le tarout? On va lui dire, est-ce que tu nies le tarout? Si elle dit non, on lui dit, tu es kafira. C'est pas comme ça que faisait le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam lui a demandé, lui a dit, où est Allah? Dis-moi, où est Allah? Elle lui a dit, il est dans le ciel, au-dessus des cieux. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit, le prophète alayhi salam. Il a dit, affranchis-la. C'est une croyante. Affranchis-la, c'est une croyante. Il lui a posé la question, où est Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu renies le tarot? Il lui a dit, où est Allah? C'est pour ça que des milliers de gens qui croient renier le tarot ne savent pas où est Allah. Qui se croient, qui défendent la aqida. Non. Ansar. Nous sommes des ansar la aqida. Ansar tawhid. Nous avons un salon qui s'appelle Ansar Tawhid. Nous défendons la Aqida. Vous défendez la Aqida. Je vous défie devant tout le monde de vous poser deux questions dans la Aqida. Deux seules questions. Si vous pouvez répondre, je ferme ma salle et je ne fais plus de doros. Je défie devant tout le monde que viennent les têtes du Takfir et des Khawarij, qu'ils viennent dans ma salle, je leur pose deux questions, c'est tout. S'ils peuvent répondre, je ferme le salon. Peut-être avez-vous oublié l'une de leurs têtes qui s'appelle Faslul Khitab. L'une de leurs têtes qui s'appelle Faslul Khitab, qui est venue une fois dans la salle ici pour vouloir prouver quoi? Qu'en islam, quelqu'un peut se marier avec sa mère si elle est esclave. A'udhu billah min shtaradib. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Le plus grand mensonge qui puisse sortir, la plus grande parole qui puisse sortir de leur bouche, c'est de dire un mensonge comme celui-là en islam. Naam, en islam, quelqu'un peut épouser sa mère si elle est esclave. A'udhu billahi min shaitan rajim. Regardez le jahl, regardez l'ignorance, comment qu'elle fait des gens. Pourquoi cette ignorance? Pourquoi cette ignorance? Il va te dire, j'ai un hadith dans le Bukhari. Masha Allah, tu as un hadith dans le Bukhari, Masha Allah. Regardez le shaitan, comment il vient au Takfirion et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, tu as un hadith dans le Bukhari. Tayyib, comment tu lui réponds alors? Tu lui dis, Masha Allah, le hadith est dans le Bukhari, Masha Allah alik, toi tu lis le Bukhari. Mais, qui l'a expliqué comme tu l'as expliqué? Voilà la différence entre nous et les takfiriens. Qui l'a expliqué et a dit ce sont la descendance des Khawarij de, qui étaient au temps de Ali, radiallahu ta'ala. Comme même chose. Ali, Ali, la montagne de Ain, Ali, radiallahu ta'ala, qui était une montagne de Ain. Il venait des Khawarij comme ça, qui juste avaient appris quelques versets, et faisaient beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières, bien sûr. Contrairement à ceux-là, ceux-là qui ne font la prière que rarement, Al-Muhim, qu'est-ce qu'il disait? Il se basait sur le Coran et faisait la polémique. L'islam. Allah Ta'ala a dit, qui ne juge pas avec l'islam, il est kafir. Allah Ta'ala a dit. Allah Ta'ala a dit. Toi, tu comprends ce que Allah Ta'ala a dit. Toi, tu n'as jamais été à l'école. Comment tu peux comprendre? Qui t'a dit que ce qu'a dit Allah Ta'ala, c'est ça le sens? Qui t'a dit cela? Nous, on est des salafs, on revient aux ulama, on revient aux sahaba. Eux, non, ils expliquent comme ils veulent, comme leurs ancêtres. Leurs ancêtres expliquaient comme ça. Subhanallah al-Azim. Dernièrement, ça fait pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, regarde Abdullah ibn Abbas, ce qu'a dit en expliquant ce verset, le verset 2. Qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. Regarde Abdullah ibn Abbas ce qu'il a dit. Il m'a dit non. Non, je ne prends pas avec Abdullah ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Je prends avec ce qu'a dit Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-musta'an. Je prends avec ce qu'a dit Allah. Yani Abdullah ibn Abbas ne prend pas avec ce qu'a dit Allah. Et toi, le petit morveux, toi tu prends avec ce qu'a dit Allah. Regardez le shaitan, qu'est-ce qu'il fait des gens. Je ne prends pas de ce que dit Abdullah ibn Abbas. Le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, que le prophète lui a fait un doua spécialement pour lui. Allahumma faqqihu fi din, Allahumma allimhu tafsir, Allahumma allimhu al-Qur'an. Celui-là, je ne prends pas de lui. Si tu avais honte seulement de la doua qu'a fait le prophète, alayhi sallam, et honte de cela, et honte comment le prophète, alayhi sallam, il lui fait une doua spécialement pour qu'il apprenne le sens du Coran. Et toi, tu me dis, je ne prends pas de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Je ne prends pas. Toi, tu... Allah al-Musta'an, c'est tkfiriyon, non? Mais alhamdoulilah, s'il n'y a pas de tkfiriyon, on va tous devenir faibles. Il faut tkfiriyon pour que l'Iwa se ravive dans nos cœurs. Sinon, s'il n'y a pas, on va tous dormir. S'il n'y a pas de tkfiriyon, on va tous dormir. Je ne prends pas de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Je prends de ce qu'a dit Allah Ta'ala. Toi, tu sais ce qu'a dit Allah Ta'ala. D'où tu sais, toi? Qu'Allah nous en préserve. Naam. Regardez-nous, les salafiens, masha'Allah. Tu lui dis, il explique quelque chose, tu lui dis, qui a dit ça avant toi? Donne-moi un compagnon, un grand alim qui a dit ça. Il te dit, Abdullah ibn Abbas a dit, Abdullah ibn Omar a dit, Ibn Taymiyyah a dit, Ibn al-Qayyim a dit, Ibn Kathir a dit, ceci, cela, voilà leur délire. Celui-là, il explique comme il veut lui. Il ouvre le Coran et commence à expliquer. Il ouvre le hadith et commence à expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et préserve nos cœurs pour qu'on ne meure pas moubtadi'a. Pour qu'on ne meure pas moubtadi'a. C'est tout. Car si on meurt moubtadi'a, c'est vraiment, vraiment très grave. Je préfère que quelqu'un meure dans la zina. Il meurt dans l'alcool, quelqu'un meurt dans un cabaret, il ne meurt pas tekfiri ou bien khariji. Naam, quelqu'un meurt dans un cabaret, ou quelqu'un meurt dans quoi? Meurt dans un dancing. Et il ne meurt pas khariji ou bien tekfiri. Parce que le prophète Islam, khlas, a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Personne ne peut les sauver. Ce sont les chiens de l'enfer. Tandis que Zina, quelqu'un qui a bu de l'alcool, quelqu'un qui a fait de la drogue, s'il demande pardon à Allah Ta'ala, il va lui pardonner. Allah Ta'ala, c'est le pardonneur. Il a dit dans le hadith sahih, le prophète Aslam, il a dit que Allah Ta'ala a dit, si tu viens avec des montagnes de péchés, naam, je peux te pardonner. Naam, je peux te pardonner, je pardonne. Mais si on vient avec le shirk, ou bien on vient avec les bid'ah, les innovateurs, de toute façon, je vous donne une règle, si vous ne la savez pas. Tous les innovateurs, Allah Ta'ala a fait une sunna universelle, qu'il meurt une mort atroce, une mort de chien. Il ne meurt pas comme tous les gens. Il meurt une mort de chien. Naam. Écrasé, piétiné, poignardé, tué, dans des bombes, ils ne meurent pas une mort naturelle, subhanallah al-azim. C'est une sunna. Tous les muqtadi'a, Allah Ta'ala leur donne ici un dars. Déjà avant la mort, il les laisse comme exemple, les modèles pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons. Les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une tazkiya. Il a dit, khair al-nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina. Les meilleurs gens, ce sont les gens de ma décennie où je vis maintenant. Et ceux qui vont les suivre, ceux qui vont les suivre. Les takfirines ont dit non, c'est nous les meilleurs gens. Il n'y a pas, je ne suis pas les compagnons. Abdullah ibn Abbas, je le renie. Quand il a expliqué le Coran, je le renie, je ne prends pas de comment il a expliqué. C'est un jahl, je ne le suis pas. C'est moi le savant. C'est Salah 19 le savant. C'est lui. C'est Okash, ou là, comment il s'appelle, le savant. Celui-là, je le suis, naam. Lahda, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça m'a rappelé d'une chose. Regardez, dernièrement, quelqu'un m'a contacté. Moi, je vous dis que je vous ai dit que beaucoup de personnes me contactent pour me dire ce qui se passe et alhamdoulilah, qu'ils voient la vérité, etc. Et que, comme m'a dit une sœur m'a dit, elle m'a dit seulement à écouter les takfiriens. J'ai su qu'ils étaient dans le fou. Elle m'a dit, je n'ai pas de haine. Mais seulement à les écouter, j'ai su qu'ils étaient dans le faux. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que ils prennent la haine. Ils te remplissent ton cœur de haine. Ils te laissent pleurer. Tu veux te suicider. Comme une sœur dernièrement a divorcé son mari. On lui a dit, ton mari est un kafir. Non. Elle m'a dit, alors que l'islam... Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas d'haine, mais moi je dis comme ça. L'islam n'est pas venu pour faire des gens comme ça. L'islam est venu pour leur ouvrir les portes, pour leur dire, voilà ce qui vous attend. Voilà. Cela, non. Ils veulent la haine entre les musulmans. Elle m'a dit, ah, déjà de cela, j'ai su qu'ils n'étaient pas dans le vrai. Je lui ai dit, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ta fitra. A laissé ta fitra propre, naam, pour déceler les innovations très vite et savoir que ils ne sont pas dans le droit chemin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dernièrement, quelqu'un auquel on a voulu donner le virus du takfir m'a écrit une lettre, il m'a sollicité, il m'a dit que voilà, il dit ce verset, il faut faire le djihad, il faut tuer les ennemis, il faut tuer les Israéliens, il faut tuer les shaitan, il faut... Les versets dans ce sens, qui parlent de djihad, mashallah. Voilà ce que je lui ai répondu. Attendez une seconde si je peux. Quand je clique sur autre chose, ça s'enlève le micro. Je ne sais pas, d'habitude je clique sur autre chose et le micro est avec moi. C'est la première fois que je clique sur un fichier, le micro se détache. Moi, attendez peut-être qu'il y a autre solution. Je ne sais pas pourquoi spécialement aujourd'hui. Al-Mohim, où est-ce qu'il est ce fichier? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Écrivez-moi numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Voilà. Voilà ce que j'ai répondu. J'ai dit à ce frère qui parlait de djihad, ma djihad, je lui ai dit, pour répondre à ta lettre, je dois écrire un petit livre. Non, je dois écrire un livre pour répondre à ta lettre. C'est pour cela que je vais me suffire à te dire seulement deux ou trois choses. Premièrement, le djihad, c'est un fard kifaya. C'est une obligation de groupe, comme tu dois le savoir. Et quiconque dit qu'il n'est pas, ou bien c'est un djihad, ou bien c'est un mécréant. Ou bien c'est un djihad, il ne connaît pas l'islam, ou bien c'est un mécréant. Naam. Mais, deuxièmement, musulman, mécréant numéro 1, si vous m'entendez, ou l'al-ukht, mais deuxièmement, très important, c'est quoi? Naam, alhamdoulilah. Deuxièmement, la place de la aqida vient avant la place du djihad. Voilà ce qu'on t'a pas dit, t'a caché. C'est que la place de la aqida vient avant la place du djihad. Car le djihad, c'est quoi? C'est pour préserver notre din. Or, comment parler de djihad quand on n'a pas de din? Quand tu as de din, tu as la sharia, tu as l'islam, ensuite il y a le djihad pour que les ennemis n'enlèvent pas ce din. Maintenant, toi, tu n'as rien. Troisièmement, le djihad est une adoration comme la salat et les autres adorations. Donc, le djihad a des conditions et non pas ce que pensent les takfiriyoun de nos jours, que quiconque qui peut se procurer une arme ou construire une épée doit aller combattre l'ennemi. Naam, c'est comme ça le takfir. Tu as une épée, tu as une grenade, il faut faire le djihad. Je dis, il faut faire, hein? C'est pas nous qui faisons. Nous, Salah et la clique, on fait pas le djihad. Mais on vous dit, il faut faire, vous, hein? Il faut aller au djihad. Nous, on reste à Paris, derrière le micro, en train de boire des jus de fruits. Mais vous, il faut partir au djihad là-bas. Comme m'a dit quelqu'un, il m'a dit, je jure par Allah, que j'ai dit à quelqu'un, je te paye le billet pour aller faire le djihad. Il m'a dit, non, j'y vais pas. Subhanallah, c'est moi qui paye le billet. Va faire le djihad dont tu parles du matin au soir. Non, il ne va pas. Il reste à Paris. Il passe son temps à la Tour Eiffel. Allah al-Musta'an. Ensuite, quatrièmement, s'occuper à penser aux choses que tu viens de citer et les placer avant la science de la aqida est un égarement clair. Car cela va à l'encontre du minhaj des salafs salah. C'est pour cela que si tu demandes une petite question sur la aqida, jamais il ne saura te répondre. Alors que Allah ne nous a créés que pour l'adoration. Abdullah ibn Abbas a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit, seulement pour l'unifier. يَعْبُدُونَ. Il a dit ici, pour l'unifier. Donc, le djihad, c'est pour préserver la aqida. Et ce n'est pas une fin en soi. C'est pour cela que le prophète, alayhi salam, comme il employait le djihad avec ses ennemis, il employait aussi l'épanchement de leur cœur. Naam, il n'a pas employé seulement le djihad tuer. Il a aussi employé épancher leur cœur. C'est pour ça que des fois, il donnait jusqu'à 300 chameaux à un kafir, juste pour l'attirer vers l'islam. Alors, est-ce que vous les takfiriyens, vous faites ça aussi? Vous essayez d'épancher les gens, les kuffars, vous les épanchez en leur montrant la beauté de l'islam, en leur faisant des cadeaux, en leur donnant de la zakat, pas la zakat al-fitr, zakat al-mal. Tu donnes à un grand kafir la zakat pour qu'il rentre en islam, ou là tu cherches seulement à lui faire la grenade, tu cherches seulement à lui faire à le tuer, c'est tout. Le prophète islam, toi tu dis que tu suis le prophète islam a employé les deux, il n'a pas employé seulement l'épée, il a employé l'épanchement des cœurs. Il donnait 300 chameaux des fois à une personne. Tu donnes toi 2 ou 3 Mercedes à une personne pour l'attirer vers l'islam. Tu le fais pas. Donc il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire qu'on suit le prophète alayhi salam. Naam. Ou alors, est-ce qu'on prend de la sunna seulement ce qui nous convient et on renie l'autre? Tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Tayyib. Ensuite, voilà ce que j'ai dit. Écrivez mon numéro 1. Alhamdulillah. Ensuite, où est le djihad comparé à la demande de la science? Où est le djihad? Où est la place du djihad comparé à la demande de la science? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous a-t-il pas ordonné de demander la science? L'obligation de la demande de la science ne devance-t-elle pas l'obligation du djihad? Demander la science, c'est fard ayn. Faire le djihad, c'est fard kifaya. Demander la science, c'est fard ayn. Ayn, ce que c'est, ça veut dire ayn. Toute personne doit demander la science. Le djihad, pas toute personne. C'est fard kifaya. Naam. Ensuite, peut-on faire le djihad quand on n'a pas de science? On n'a pas la science du djihad. Peut-on? Qui, par exemple, qui nous est-il permis de tuer et qui il nous est interdit de tuer? Vous savez par exemple que il est interdit de tuer l'enfant, la femme, le prêtre, le vieux, l'aveugle, naam, sauf bien sûr s'il participe dans la guerre. Si on ne connaît pas, on n'a pas de science. Moi, je vais à la guerre, je trouve la femme, je commence par elle, je la tue. J'ai pas de science. Je Je ne sais pas qu'il est interdit de tuer la femme. Je ne sais pas qu'il est interdit de tuer un enfant. Non, je ne sais pas, je le tue. Je n'ai pas, je suis un djahel. Je dis qu'on fasse le khitab, je dis qu'on peut épouser sa mère. Comme ça, il a dit on peut épouser sa mère si elle est esclave. A'oudou billah. Non. Mais, aussi, comment faire la prière de la crainte? Quand on est dans le djihad, s'il y a la prière, on fait la prière de la crainte. Ça s'appelle la prière de la peur. Comment je la fais? J'ai jamais lu le fiqh. Je n'ai jamais assisté à un dars. Du matin au soir, je dis, ta route. Tu nies ta route, tu n'as pas nié ta route. Tu as renié, tu n'es pas kafir. Tu es kafir, je ne suis pas kafir. Du matin au soir, je parle à l'adim. Je n'ai pas appris la prière. Comment je la fais dans le djihad? C'est une prière spéciale. Mais comme l'a si bien dit Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wal-ajab. Naam, l'ajab. Fi alladhi lam yujahid nafsahu litaf'ala ma amarat bihi wa tatruka ma nuhiyat anhu kayfa yumkinuhu jihad al-adu al-khariji wa hadha aduhu alladhi bayna janbayhi qahirun lahu mutasallit alayh. Allahu akbar. Ibn al-Qayyim a dit, l'étonnant, c'est comment une personne qui ne sait pas maîtriser en elle-même, elle n'a pas fait le djihad nafs, elle ne sait pas encore maîtriser, elle ne fait pas la prière à l'heure, elle fume toujours, elle regarde les femmes, elle regarde le haram, elle ment quand elle parle, elle fait la calomnie. Cette personne, Ibn Qayyim a dit, elle n'a pas fait le djihad de quoi? De son ennemi qui est en elle. En elle, la nafs. Nafs est le shaitan. Tu n'as pas fait le djihad, tu n'as pas triomphé sur lui. Il a dit, comment cette personne prétend-elle qu'elle va faire le djihad extérieur? Allahu Akbar. Le djihad intérieur, il ne l'a pas fait. Et il va faire le djihad extérieur. Allahu Akbar. Dites à un takfiri, s'il peut seulement nous dire, quelle est la différence entre la volonté juridique et la volonté universelle. Il ne va pas savoir. Dites-lui seulement, est-ce que le muhyi et le mumit, ce sont des noms d'Allah ou ce sont des attributs? Il ne va pas savoir. Dites-lui une petite question. Dans le wudu, dans la salat, il ne va pas répondre. Il va te dire, c'est pas le moment, parce qu'il sait qu'il n'a pas de réponse. Naam. Dites à un takfiri, s'il peut assister seulement à un dars qui dure une heure, s'il peut rester dans une mosquée, ou là dans un salon où il y a des cours, il peut rester une heure en train d'écouter, d'apprendre et d'écrire et de noter. Impossible. Entre dans les salles pour parler, pour remplir les cœurs de haine, ensuite jouer, plaisanter, comment vas-tu, où étais-tu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comme dit Salah, il dit je vais égorger X, je vais égorger Y. Et je vais voler la banque de X et je vais faire ceci. Subhanallah, l'adib, la hawla wa la quwwata illa billah. Dites à un takfiri, s'il peut seulement, ça c'est toujours la lettre, hein, s'il peut faire seulement deux rak'at de tarawih. Est-ce que vous avez vu la salle, les ennemis du tawhid, fermée pendant les tarawih une seule fois pendant le ramadan? Non. Allah Ta'ala les empêche de faire le bien en les empêchant de faire la salat, qui est la relation entre lui et ses serviteurs. Naam. Allah Ta'ala a coupé sa relation avec eux, car il veut leur égarement comme châtiment pour avoir dévié du droit chemin et avoir contrarié le prophète alayhi salam dans sa sunna et ne pas avoir suivi les sahaba. Je lui ai dit, attention mon frère, j'ai peur pour toi, car je sens que tu es sincère, mais je sens aussi que certains veulent se mettre des choubouhettes pour que tu deviennes un takfiri khariji et que tu t'éloignes de la voix du prophète alayhi salam, naam, et de ses compagnons pour finir comme un chien en enfer, comme les a appelés le prophète alayhi salam. Qu'Allah nous aide, nous guide et nous préserve de l'éloignement des salafs salah pour qu'on ne soit pas des chiens de l'enfer. Naam. On revient donc à notre aqida. Subhanahu wa ta'ala. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette bergère où est Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a reconnu et elle a dit que Allah ta'ala était au-dessus des cieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit affranchis-la, c'est-à-dire que elle peut, puisqu'elle reconnaît. Est-ce que vous m'entendez? Non, il y a des coupures. Non. Alors, barakallahu fikoum, cette bergère qui n'est jamais allée à l'école, a su que son seigneur était au-dessus du trône. Et maintenant, des gens vont à la faculté, ont des doctorats, en quoi? En islam, islamologie. Allah l'a dit, sharia, ceci, et tu leur dis, où est Allah Ta'ala? Ou bien ils te disent, je ne sais pas, ou bien ils te disent, il est partout. Ou bien, je ne sais pas, ou bien il est partout. Regardez la baraka de cette bergère, qui n'est jamais allée à l'école, et encore moins allée à la faculté. Et elle sait que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Une bergère, elle est tout le temps avec les moutons, Allah l'a dit. Les moutons, naam, et le chacal. Il n'y a ni faculté, ni livre. Et elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala est tout de suite déçu. Maintenant, des gens qui vont à la fac, qui ont des doctorats et des enseignants, ils te disent je ne sais pas où est Allah. Ils te disent même que cette question, ça ne se dit pas. Il ne faut pas dire où est Allah. Ça ne se fait pas. Non. Si tu dis où est Allah, que yani, tu vas lui mettre une place. C'est une bida, il ne faut pas poser. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors le prophète, alayhi sallam, s'est trompé. C'est comme ça qu'on leur dit. Alors le prophète, alayhi sallam, quand il a posé cette question, il s'est trompé. Donc s'il était vivant, il faudrait lui corriger, lui dire, ô prophète, alayhi sallam, pardon, mais là vous avez fait une faute. Ça ne se dit pas. Pourquoi vous dites comme ça? Ça ne se dit pas. Ô prophète, ça ne se dit pas. C'est nous qui connaissons le dîn, ce n'est pas toi. Non, c'est nous qui connaissons le dîn. Toi, tu ne connais pas. Allah Ta'ala, il ne faut pas dire de lui, où est-il? Ça ne se fait pas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non. Ensuite, je vais donner ici un délit que le cheikh ici n'a pas donné, et je vais m'arrêter là. Le cheikh a donné un délit, je vais donner un délit. Lorsque Moussa alayhi salam a demandé de voir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui a dit, tu ne verras pas. Ensuite, il lui a dit, regarde cette montagne, si elle peut se maintenir à cette place, tu vas la voir. Ensuite, Allah Ta'ala s'est manifesté, s'est fait montrer à qui, à quoi, à cette montagne. Et dans un hadith sahih, il a fait seulement un signe à la montagne. La montagne n'a pas vu Allah Ta'ala. Il lui a fait juste un signe. Car il est impossible que les prophètes, les meilleures créatures ne voient pas Allah et la montagne va le voir. Allah Ta'ala lui a fait un signe, c'est tout. Et la montagne s'est effondrée. Qu'est-ce qu'on va dire aux Mubtadi'a? On va leur dire, puisque vous dites que Allah Ta'ala est partout, alors pourquoi seulement la montagne qui a vu Allah qui s'est effondrée? Pourquoi seulement cette montagne? Pourquoi pas toutes les autres montagnes? Tous les cieux, les soleils, les nujum, les étoiles, pourquoi elles ne se sont pas effondrées? Non, puisque Allah est partout. Et quand il se fait voir, alors tout va s'effondrer. Pourquoi seulement c'est la montagne qui s'est effondrée? Non, l'un des délits qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas partout comme qu'ils disent. Non, c'est la science de Allah Ta'ala qui est partout, c'est pas lui, c'est sa science, il est omniscient, hein? Mais lui, il est au-dessus de son trône, et sa science est partout, dans tous les endroits, sa science est. Car en effet, voilà un autre dalil que Cheikh Hossé, Allah Rahmou n'a pas cité, voilà un autre dalil. Si on va dire que Allah Ta'ala est partout, comme disent qui dit Allah est partout? C'est une secte qui s'appelle Najariya. Et les awam, des Jahmites. Les Jahmites, mais pas leurs savants. Les awam, les gens simples, les gens ignares. Naam. Et la secte Najariya disent Allah Ta'ala est partout. Naam. Maintenant, si on va dire que Allah Ta'ala est partout et qu'il n'est pas au-dessus du trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala, puisqu'il est partout, c'est qu'il est dans les toilettes aussi. Toi, tu voudrais qu'on dise de toi que tu es dans les toilettes? Où est Osmo? Où est Mohamed? Il est dans les toilettes. Où est Mohamed? Il est dans les toilettes. Où est Mohamed? Il est dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il fait dans les toilettes? Il ne sort pas celui-là? Subhanallah, tout le temps dans les toilettes, un quart d'heure, une demi-heure, sauf pas celui-là. Allah Ta'ala est partout, il est tout le temps dans les toilettes, parce qu'il est partout. Naam, Allah Ta'ala est dans les toilettes. Allah l'afi. Allah Ta'ala est dans le ventre de l'âne, et dans le ventre du crocodile, et dans le ventre du porc, parce qu'il est partout. Il est dans les parties intimes de la femme. Il est dans ceci, dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Voilà ce que ça veut dire, Allah Ta'ala est partout. C'est pour ça que Ahl Sunnah, on dit, ma'ad Allah, il n'est pas partout, il est au-dessus de son trône. Ma'ad Allah, Allah n'est pas partout. Comment il est partout? Il n'est pas partout. C'est sa science qui est partout, c'est pas lui. Lui, il est au-dessus du trône. Non. Ensuite, autre chose. Quand tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala grandit et devient petit. Grandit et devient petit. Comment cela? Il devient petit car, étant partout, il est dans cette vieille maison. Alors, il est dans cette vieille maison, étant partout. Et maintenant, on a décidé de démolir cette maison. Donc, quand on l'a démolie, une partie d'Allah est partie avec la maison. Donc, Allah Ta'ala a rétréci. Lui qui était partout et qui était dans cette maison avant qu'on la démolisse, maintenant, quand on l'a démolie, il n'est pas dedans. Il a rétréci. Subhanallah al-Azim. A'udhu billah mishtarajim trois fois. Naam. Et ça veut dire aussi le contraire. On n'a pas encore construit une maison. Allah Ta'ala n'est pas dans cet endroit. Maintenant, quand je vais construire la maison, Allah Ta'ala va rentrer à l'intérieur. Il va grandir. Donc, il devient petit et grandit d'après ce qu'on construit et d'après ce qu'on démolit. Ça, le shaitan peut-être, il ne dit pas cela. Le shaitan peut-être, naam, ne dit pas cette chose. Et pourtant, beaucoup de musulmans disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Pourquoi? Ils ne veulent pas comprendre le Coran comme l'ont compris les compagnons du prophète. Ils veulent comprendre le Coran comme l'ont compris les sectes qui sont égarées. Naam. C'est comme ça qu'ils veulent comprendre le Coran. Ensuite, pour terminer, naam, le dernier dalil, c'est le dalil de la fitra. La fitra, c'est-à-dire, la prédisposition innée. Certains disent le sens inné. Dites-moi, pourquoi, quand une personne a des problèmes, qu'elle veut faire des doigts, instinctivement, elle va lever ses mains vers le ciel et faire des doigts? Dites-moi pourquoi. Pourquoi cette personne, même si c'est une kafir, il peut lever les mains vers le ciel et dire « oh Dieu, aidez-moi » ou là « oh Dieu, ceci » ou là même pour le contraire. S'il veut insulter Allah, il regarde vers le ciel et il insulte. Dites-moi pourquoi, subhanallah al-Azim. C'est quelque chose d'inné. Allah Ta'ala crée en nous, dès que quelqu'un veut faire les doigts, hop, il regarde vers le ciel. Surtout si on lui a fait du mal, etc. Naam. Mais la sunna, quand on fait les doigts, c'est pas de lever les mains vers le ciel, mais de lever les mains vers la Qibla. Celui qui lève les mains vers le ciel il fait la doigts, ou bien il est djihad, il s'est trompé, on lui apprend, ou bien c'est un muqtada, il le fait exprès, il rentre dans la bila. Mais on lève les mains vers la Qibla. Mais on sent quelque chose vers le haut. On voudrait parler à Allah vers le haut. On voudrait lever la tête et dire à Allah ceci et cela. Ya Allah, X m'a fait ceci, X m'a fait cela. Comme a dit le prophète, il a levé le doigt, il a dit Allahumma hal billah, tel billah. Il a dit Allahumma shahad. Oh Allah, témoigne. Oh Allah, témoigne. Et il regardait vers le ciel. Et aussi, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, dans un premier temps, faisait la salat vers Palestine, vers le Quds, il voyait que les gens du livre faisaient la prière comme lui, vers la même Qibla. Et il aimait beaucoup se différencier des gens du livre. Alors qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il marchait dans la rue, il levait la tête vers le ciel, en se demandant, peut-être que maintenant, Allah Ta'ala va descendre quelque chose pour changer la Qibla, pour qu'on ne soit pas avec les gens du livre dans la même Qibla. Alors il marchait, il levait la tête vers le ciel. Il marchait, il lève la tête vers le ciel. Se disant dans le cœur, ya Allah, fais descendre quelque chose, ya Allah. Allah Ta'ala lui a répondu dans le Coran, قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Certes, nous te voyons tourner le visage dans le ciel, dans tous les sens. Nous te voyons tourner le visage dans tous les sens vers le ciel. Subhanallah. Vous avez vu le prophète Islam, comment il fait? Il lève la tête et vers le haut. Pourquoi? Il ne regarde pas vers le bas. Pourquoi il ne regarde pas vers la droite ou vers la gauche en attendant que quelque chose vienne d'Allah? Pourquoi il lève la tête vers le haut et il attend que quelque chose descende? C'est l'un des grands délits qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Non, qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Et pour terminer, quiconque dit que Allah Ta'ala n'est pas dans les cieux, il y a des ulama qui ont dit c'est un kafir. On n'est pas des takfirioun. Mais nous, on prend les excuses aux gens. Les ulama, quand ils ont dit c'est un kafir, dans leur temps, où c'était très clair, ces choses-là étaient très claires. Maintenant, tu peux trouver quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il fait la prière. Trouver quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il fait la prière. Tu lui dis, oh Allah, il te dit, je ne sais pas. Oh Allah, il est partout. Naam. Je peux demander à ma mère, qui fait la prière depuis 60 ans, ou 70 ans, peut-être qu'elle va dire, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ou là, il est partout, comme disent la plupart. Donc, moi, je dis de quelqu'un qui est capable, quand quoi? Quand les ulama lui ont montré les choses et il n'a pas voulu suivre. Et qu'il n'a pas de choubouhat. C'est clair pour lui, il ne veut pas suivre. Naam. Mais ce n'est pas comme notre tekfirien qui, yani, comme ça, globalement, quiconque ne dit pas de cette chose ou cette chose est kafir, sans voir yani, quelles sont ses excuses, etc. Inch'Allah Ta'ala, je m'arrête là, il y a beaucoup de choses à dire, on les laissera pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala.